L'entreprise Usinage HB Numérique connaît une croissance intéressante, située au 210 rue Beauchamp à Doulbeau-Mistassini. Les propriétaires, M. Hermel Bugeau, Vincent Girard et Pierre Thériault, viennent d'investir une somme importante de 300 000 $ pour l'achat d'équipements à la fine pointe de la technologie et qui permettra de satisfaire davantage sa clientèle. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Ce sont les vœux de la direction d'usinage numérique HB au numéro de téléphone 418-239-0827. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... Ici Luximar, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment privilégié où nous pouvons prendre le temps de célébrer avec nos proches. Profitez de cette période pour vous amuser, prendre un peu de recul et refaire vos forces. Pour 2020, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la prochaine année vous permette de réaliser vos rêves les plus ambitieux. À toute la population de la MRC de Maria-Chapdelaine, joyeux Noël et bonne année! On va parler avec notre spécialiste de boxe, Bernard Barré. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, si on parlait un peu de l'année 2019, à quoi toi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on parle de 2019? C'est sûr que moi je considère qu'on a eu une bonne année, surtout que l'année passée, tu te rappelles, on avait terminé au mois de décembre avec la défaite de Stevenson contre Bozdzik. Donc, c'est dur de faire une revue de l'année dans ce temps-là. Je pense, on avait tous hâte de tourner la page. Heureusement, la santé de Stevenson fait en sorte qu'on a de l'espoir, il va de mieux en mieux. Mais là, cette année, c'était une bonne année. On a eu des combats intéressants au niveau international. Les poids lourds, ça a été vivant avec combat d'Anthony Joshua contre Wiz deux fois. Et puis, là, on a le combat de Wilder aussi contre Ortiz. Donc, les poids lourds aussi, c'est souvent les poids lourds qui vont faire en sorte que l'année est bonne ou moins bonne parce que ça attire tellement, mais tellement l'attention planétaire qui fait en sorte que les autres suivent à ce moment-là. OK. Est-ce que on peut dire que c'est beaucoup mieux parce qu'il y a eu comme un creux de vague dans les lourds, hein? Ouais, effectivement. On a eu, à partir du moment que les chicots sont disparus, là, on se retrouvait un petit peu dans nos mêmes zones. Il y avait tellement contrôlé cette division de poids-là depuis longtemps. Mais là, avec la venue de Joshua, médaillé d'or olympique, et Wilder, sur deux continents, finalement, européen et américain, ça a fait en sorte que là, tout le monde, là, les caméras de télé se sont braquées sur eux. Et depuis ce temps-là, ben sincèrement, je pense que la boxe professionnelle planétaire va beaucoup mieux là. Okay. Et c'est tellement encourageant. Là, tu sais, on a regardé ça. Quand on parle de Wilder, là, il y a une ronflante fiche là. Ce gars-là est presque invaincu. Là, il gagne tout le temps. Puis son combat nul qu'il y a eu contre Tyson Fury, ben là, on attend le combat revanche. Et puis tout ça fait vraiment en sorte que ça dépasse le monde de la boxe à ce moment-là. Là. Les gens sont intéressés, même ceux qui n'aiment pas la boxe vont suivre ça. Et ce qui fait en sorte qu'on voit là 42 victoires, hein, 42 victoires. Il y a son combat nul là, qui fait un peu d'ombre, mais 41 victoires par knockout. Donc le 22 février à Vegas, là, c'est sûr que le temps qu'il va se battre contre le géant Tyson Fury. Ils vont être rares, ceux qui vont, les sportifs de Putakabi qui vont manquer ça. Oui, effectivement. Puis on va en reparler tout à l'heure, mais il veut avoir Camille et Stéphane veulent l'amener à Montréal. Je veux savoir ce que tu en penses là-dessus. Mais ensuite, aussi, au niveau du Québec, ça a quand même bien été. Il y en a qui se sont positionnés pour des combats de championnat du monde. Tu sais qu'Oscar Rivas, en début de l'année, je me rappelle d'un combat, il avait été dominant. Ça lui a donné un combat, je me corrigerai, sur le championnat du monde. Puis ça a été un petit peu difficile contre Dylan White. Ouais, c'était bon contre White. Il a réussi à l'envoyer au tapis. Finalement, par une décision, il était très compétitif. Après ça, il y a eu la saga où là, White avait été testé positif. Finalement, il a été blanchi. Mais ça l'a positionné Rivas de façon admirable là, chez les poids lourds, quatrième au monde. Et là, on parle qu'il va boxer à la fin janvier. On attend pour savoir l'endroit et l'adversaire. Mais c'est certain que pour Rivas, là, il s'est mis au monde, là, même avec une défaite contre sa première défaite, sa seule défaite contre White. Il demeure quand même que tout le monde a vu à quel point ce gars-là est fort physiquement et capable de donner un bon spectacle. Donc, on peut penser là que l'année prochaine, en 2020 et 2021, ça va être les bonnes années d'Oscar Rivas là, dans la division magique qui est les poids lourds internationales. Jean Pascal qui est revenu champion du monde. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est un miracle. Il n'y a personne qui aurait pu prédire ça contre le talentueux Marcus Brown. C'est chapeau à Stéphane Larouche qui l'a bien préparé. Ouais. Et la stratégie de combat et comment ça s'est passé. Envoyer Brown au tapis là, à trois reprises. Bon, le combat arrêté. Sincèrement, ça l'a même les plus fervents de Jean-Pascal dont je suis. On ne pouvait pas s'imaginer ça. C'est la grande victoire de Jean-Pascal alors qu'il était fortement négligé. Qui a ouvert les yeux, puis qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il est passé, il a enlevé le championnat intérimaire à Brown, qui est devenu le championnat du monde à partir du moment que l'autre en haut montait comme super champion, ce qui a fait en sorte que là, maintenant, il va défendre son titre contre Badou Jack, et ça va être tellement, parce que Bivol, dans le fond, c'était Bivol qui était le champion, mais là, il a été nommé super champion de WBA, donc Jean-Pascal est redevenu champion du monde, sans nécessairement se battre à ce niveau-là. Et là, contre Badou Jack, mais Badou Jack, bien entendu, nous, on est tellement intéressés. T'as le voir, Badou Jack, c'est combat nul qu'il a fait avec Bouté, qui est devenu une défaite à cause du test positif de Bouté, et son combat nul contre Stevenson. Donc, on connaît bien Badou Jack. Et de voir ce combat-là le 28 décembre entre Badou Jack et Jean-Pascal, mais ça va être un cadeau de Noël pour tous les amateurs de boxe du Québec. Le 18 octobre, Arthur Beterbiev qui a battu dans un combat qui un combat d'unification Alexander Govnik, un russe, ça a été quand même une belle victoire pour Beterbiev. Ah oui, oui. Un combat compétitif, là, les styles se mariaient bien. Il va se dire que, bien entendu, nous, on se rappelait tout le monde, on avait en tête là, sa victoire contre Stevenson, mais il n'a pas été capable de refaire le même coup contre Beterbiev, qui est plus combat avancé, mais là, il lui a coupé les jambes à Vosdik, qui était plus capable de se déplacer, et c'était difficile pour lui, et on a vu à quel point Beterbiev, hein, puis ça, on en a parlé, je t'en ai parlé souvent à Beterbiev, ce qui était à souligner, j'ai eu l'occasion de le constater quand je faisais mettre les palettes d'entraîneur, les mitaines d'entraîneur, c'est sa précision, et à cause justement de cette précision-là, il a ramolli pas mal Vosdik, qui avec Stevenson, il avait réussi à prendre l'air et à se promener, puis à un moment donné, à sauter dans le visage de Stevenson. Mais là, quand il est venu le temps de sauter dans la face à Beterbiev, c'est Beterbiev qui a sauté dans la face. Ouais. Fait que là, il lui a remis la monnaie de sa pièce. Et là, on a vu que Beterbiev, encore une fois, c'est un combat unifié. Donc, il est allé chercher beaucoup du galon avec ça. Il va faire en sorte que, là, les projecteurs internationaux, là, ça vient de plus en plus sur lui, là, à cause de son grand talent et surtout sa façon de combattre qui est très physique. Ah oui, effectivement. Marie-Ève Diquet, qui du côté des femmes, qui s'est quand même bien combattu et qui a protégé sa ceinture à deux reprises. Deux, c'est pas trois, c'est deux reprises, je pense. Oui, c'est ça. Fait que Marie-Ève Diquet, qui de plus en plus, ben là, parce qu'avec sa fiche, elle a de bon flanc de fiche, elle a de 17 victoires, aucune défaite. Elle n'a pas de knock-out, mais elle est invaincue, c'est la troisième défense de titre. Fait que là, elle commence à être intéressante pour les grandes championnes. Tu sais, il y a des grandes championnes là-dedans. Cecilia Brakus qui est 147 livres, mais Marie-Ève a toujours dit qu'elle était capable de descendre à 147. Et puis, il y a la grande championne de probablement la meilleure livre pour arriver au monde, Clarissa Shira, double médaillé d'or olympique et puis qui est championne unifiée à 160, qui parle de peut-être descendre à 154. Quand tu réussis à toucher à ces deux athlètes-là, qui sont les deux plus payantes de la boxe féminine au monde, mais là, pour Marie-Ève Ducaire, ce serait tout un défi. C'est sûr qu'elle ne serait pas favorite là-dedans, loin de là, mais de l'autre côté, elle pourrait monnayer là, fortement et aller chercher les projecteurs sur elle dans ces combats-là. Donc, ça pourrait être super intéressant. Là. Ça peut être même un déclic là, que la boxe féminine québécoise-canadienne a besoin. Pourquoi qu'elle pogne pas, hein, Bernard? Elle est belle, elle est intelligente, elle est championne. Pourquoi ça pogne pas avec Maria Ducaire? C'est difficile, hein? La boxe féminine, c'est peut-être moins physique, bien entendu. Les filles sont moins fortes physiquement que les gars. Là. Mais il demeure quand même que c'est abattu. C'est pas, tu sais, la boxe masculine, là, 300, en 1700, à la fin des années 1700, ouais. Là, ça s'est abattu solide. La boxe féminine, là, on est encore en train de bâtir tout ça, là, depuis une vingtaine, une quinzaine d'années. Mais ça s'en vient. C'est sûr que, et aussi le fait que Maria Ducaire n'est pas considérée comme une cogneuse. Hein. Le monde aime ça, elle est là, là. Montre que t'es le patron ou la patronne sur le ring, là, puis on va couper le combat dans la moitié. On est content. Hein, on a vu qui était le boss. Mais Maria, elle, c'est une technicienne. C'est une fine technicienne, une gauchère, qui n'est pas obligée, elle, là, de mettre sa face là. Donc, ses adversaires, c'est difficile pour les adversaires de la rejoindre et d'échanger coup pour coup avec elle. Donc, c'est sûr que c'est une boxe qui est plus scientifique. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, c'est moins populaire. Mais encore là, ça dépend aussi de l'adversaire que tu as devant toi. Là. Et à date, comme là, la dernière adversaire, Suarez, une ancienne championne du monde d'une division de poids inférieure. Mais elle, la fille, elle partait sur le reculon, puis elle n'a pas cherché le trouble, puis elle roulait avec les coups. Fait que c'est sûr que c'était pas très spectaculaire, mais dépendamment de l'adversaire que tu as, habituellement, on a pogné là, des combats de Marie-Ève Ducaire qui ont été très intéressants, justement à cause du style de son adversaire qui était beaucoup plus bagarreur que qu'est-ce qu'on a connu avec Suarez, où là, Ducaire a tout voulu faire tout le spectacle à tout seul. Ouais, mais des rounds de 2 minutes, est-ce que c'est ça le problème? Ben, c'est sûr que ça l'aide pas. Ça l'aide pas parce que la boxe, c'est pas ça. Et puis, là, même la boxe olympique, sont rendus à 3 minutes. Il y a eu un combat de championnat du monde à Vegas d'unification avec des femmes de 3 minutes. Et là, de plus en plus, ça va être ça. La norme s'en vient. On sait que la boxe, c'est toujours long, là. T'sais, la boxe professionnelle, là, c'est long avant qu'il se passe de quoi changer les règlements. On est comme des dinosaures. Mais on n'a pas le choix, là. C'est parti, c'est irréversible. Donc, on va vivre ça, et ce qui va faire en sorte que les filles vont pouvoir plus s'installer dans un combat de boxe et bâtir leur combat, et peut-être éventuellement, comme ça arrive souvent avec les gars, avec la boxe masculine, de terminer l'adversaire sur les fins de combat où l'adversaire est plus capable de suivre, est plus fatigué, lui a se déplacé beaucoup, a reçu beaucoup de coups. Donc, tu sais, c'est des choses qui fait en sorte que c'est plus difficile pour les filles d'aller chercher des arrêts de l'arbitre, là, ce qu'on appelle des knock-outs. Et puis elle fait aussi que, bon, une femme, là, elle n'a pas la même puissance qu'un homme. Et ça, c'est une évidence. Là. Donc, il y a des gens qui sont pas des adeptes de ça à cause de ça, mais ça va changer là, au fil des années parce que, comme je dis, les grandes vedettes comme Clarissa Shields, Cathy Taylor, l'Irlandaise, et donc, là, qui s'en viennent, le Cecilia Brakos, que j'ai parlé tout à l'heure, font en sorte que Cecilia Brakos a rempli des salles là-bas en Norvège. Là. Elle, c'est une Colombienne d'origine qui boxe en Norvège. Elle met des 12, des 15 000 personnes pour essayer elle qui fait la finale. Donc, là, pourquoi ça se fait là, ça ne sera pas chez nous. Éventuellement, ça va être ça. Et là, on a Kim Clavel aussi qui fait un bon début de carrière qui vient à remporter une ceinture. C'est ça ma prochaine question. Est-ce que Kim Clavel devient championne du monde, puis il y a une Baudouin aussi, la fille à Benoît Baudouin. Baudouin. Oui, Léla Baudouin qui, moi, j'ai déjà vu boxer plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai déjà décrit ses combats en boxe olympique. Ouais. Et Léla Baudouin, c'est exceptionnellement une bonne petite claque, capable, elle démontre de la puissance. C'est des filles qui vont attirer l'attention puis qui vont amener la boxe à un autre niveau. Mais là, Marie-Ève Ducaire fait tellement un travail exceptionnel pour la boxe féminine là, à tous les niveaux. Là. Donc, on va juste souhaiter que ça dure. OK. Je veux te parler de deux, trois boxeurs sur la scène internationale. Errol Spence, qui a eu un accident de voiture quelques jours après son combat contre Sean Porter. Lui, on dit que c'est peut-être le combat de l'année, ce combat-là, Spence contre Porter. Est-ce que tu es d'accord? Yeah, sans aucun doute. Quel combat! Deux athlètes là, de haut niveau, très, très brillants, très intelligents, très spectaculaires. Et Spence avait gagné par décision partagée contre Porter. C'est juste plate que là, finalement... Il a eu cet accident-là, là, mais en souhaitant que Spence ne perde pas ses attributs physiques, ses qualités, ses habiletés, parce qu'il est tellement rapide, tellement bon. Là, on a parlé éventuellement d'un combat contre Terence Crawford, là, donc ça pourrait être intéressant parce que c'est, là, on parle de la crème là, au niveau mondial, là, au point de vue talent, puis au point de vue spectaculaire. Donc, c'est à souhaiter, là, mais comme tu as. Je ne serais pas surpris de ça que le combat Spence Porter soit le combat de l'année sur la scène internationale. Il y a le combat contre Jarrett Hurd contre Justin Williams. Williams avait gagné une décision unanime, mais Hurd était favori chez les super mi-moyens. Ça aussi, c'était un combat qui a attiré beaucoup l'attention, comme celui de Vasek contre Peterbier aussi. Et Deontay Wilder contre Wiz Ortiz, le deuxième. Ortiz, ça l'a bien son avant avant que ça s'assemble. Il semblait en avant dans le combat, mais ça c'est des combats là qui étaient assis sur le bout de ton siège là, puis tout peut arriver. Oui, ouais, effectivement. Aussi Manny Pacquiao, il vieillit pas, hein? Incroyable. Ah, Manny Pacquiao, ouais, mais là on a tout en passé un peu à l'image de Bernard Hopkins. On se dit un matin il va se lever puis il va être vieux. C'est un petit peu ce qu'on se dit là, depuis 2-3 ans là, avec Manny Pacquiao, mais effectivement, il fait son chemin, il donne toujours des bons spectacles, il est impressionnant, là, Manny Pacquiao. Là. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi endurant que ça, surtout qu'il y a d'autres choses à faire, étant engagé politiquement chez lui aux Philippines, mais il continue toujours à se débrouiller, être en haut, là, champion du monde WBA, des mi-moyens, il a dépassé 40 ans. Avec lui, là, on peut dire que c'est un spectacle là, vraiment. Là, c'est garanti que ça va être intéressant. Là. Golovkin, on le dit vieillissant. Est-ce que tu penses qu'il peut revenir ou ça achète dans son cas? C'est sûr qu'on a vu encore là contre Deverenchenko à son dernier combat. C'était pas nécessairement bien. Golovkin qui est rendu à 40 victoires, dont 35 par knockout, une seule défaite. Et un combat nul, et son combat nul, on le sait, tout le monde. On a l'impression que c'était fait organiser la gang de Vegas contre Saul Alvarez. C'est certain que Golovkin, là, lui, s'il avance dans la trentaine, et éventuellement, c'est un boxeur qui a beau être bon techniquement, mais qui n'a pas peur non plus là, de la bagarre physiquement, et qui a une longue carrière. Ce gars-là était champion du monde junior chez les amateurs, champion du monde senior. A été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. Tu sais, il a une grande carrière, mais une carrière qui use. Pourquoi? Parce qu'il était tellement bon qu'à chaque tournoi, il se ramassait en finale. Donc, tu ramasses pas toujours contre les meilleurs des autres pays. Tu sais, des fois, si tu te fais éliminer en partant, mais là, à un moment donné, tu ménages un peu, mais lui, là, il se rendait toujours au bout, là, un peu comme Lomachenko. Donc, c'est le genre de boxeur, éventuellement, avec leur longue carrière amateur, qui vont faire en sorte que peut-être qu'ils vont quitter la boxe professionnelle plus rapidement à cause de l'usure. Un peu comme on a connu au Canada dans les années 80 avec Sean O'Sullivan, tu te rappelles? Sean O'Sullivan qui était le phénomène de la boxe dans les années 80. Et puis que lui aussi, là, il gagnait partout où il allait, mais il se battait quand toujours dans les tournois amateurs de 3-4 combats là, en fin de semaine. Puis Willie DeWitt qui était là en même temps. Ouais. Mais Willie DeWitt était moins actif que Sean O'Sullivan, puis il était moins aussi pris dans des bagarres qui ne faisaient plus. Mais là, Sean O'Sullivan, qui était pris chez vous, n'a pas pu faire long parce qu'il était déjà usé à la corde. Alors que là, une chance, le Machenko et Golovkin sont tellement bons qu'ils ont réussi quand même à se ménager chez les amateurs, malgré les guerres tout le temps qui ont été obligés de livrer. Mais, tu sais, on peut s'attendre d'eux autres qui ne feront pas des carrières à la Bernard Hopkins. Non. Bernard, superman, on va faire une pause et je veux te parler d'un boxeur québécois en 2020, fin 2019, début 2020. Vous êtes à l'écoute d'un podcast avec Bernard Barré sur la revue de l'année de la boxe sur les ondes de danradiosport.com. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désire remercier sa distinguée clientèle et profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini. Au numéro de téléphone 88... Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 88-276-0580. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 88-276-6170. Le propriétaire du restaurant Subway de Dolbeau-Mistassini, M. Luc Bélanger et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 88-276-6848. On est de retour à Donner. On est de retour avec Bernard Barré. Écoute, je te parlerai pas du combat de Stephen Butler parce qu'au délai, au moment où on enregistre le podcast, puis au moment où ça va être diffusé, c'est deux affaires complètement différentes. Je vais te parler plus de Jean-Pascal parce qu'on va se parler plus. Je vais le diffuser au moment où Jean-Pascal va affronter Badou Jack. Est-ce que Jean a des bonnes chances? Oui, moi je dirais Jean par rapport à Badou Jack, ça va être probablement, ça va gager égal à égal. Là. Okay. Tout est gagné dans ce combat-là. Badou Jack aussi, il vieillit, lui, il avance dans la trentaine. Mm. Et là, Jean, ben là, on va savoir est-ce que c'est juste un coup de chance, là, le combat là, contre Brown, là, ou non, Jean est redevenu un des grands champions de la division des Milo. Après, on va le souhaiter pour nous autres, là, ça sera bon pour la boxe en tabarnouche. Mm. Si Jean bat Badou Jack, là, les lumières vont s'allumer partout encore une fois, puis il va être sous les feux de la rampe. Mais d'un autre côté, Badou Jack, ben là, il voit une opportunité, hein. Il voit une opportunité parce que Jean, lui-ci, là, les années ont passé, il est rendu à 37 ans, il est né en 82. Donc, les années ont passé. Il devient de plus en plus lourd aussi. J'ai une longue carrière amateur, puis les Jeux Olympiques. Puis donc, ça fait longtemps, lui, là, qu'il est dans le gymnase, j'étais tout jeune, puis chez les poids levés, puis il était là, chez les amateurs. Mais Badou Jack, d'un autre côté, lui aussi, le boxeur original de la Gambie, qui était un grand champion pour son pays, et puis un ex-champion du monde, qui voit une opportunité. Ça va être un combat intriguant, qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver, là, mais d'un autre côté, je pourrais juste te dire une chose, c'est bon, le combat va y aux États-Unis, Badou Jack boxe pour Floyd Mayweather. OK, on va se dire les vraies affaires. Okay. On peut-tu s'attendre à ce que les rounds serrés vont peut-être être difficiles à gagner? Mm. Donc, il va falloir que Jean soit dominant. OK. Je veux te parler de deux, trois boxeurs encore en 2000. Qu'est-ce qui va arriver en 2020 pour eux autres? Mamoudov. Écoute, c'est le russe, le poids lourd. Là. Lui, je l'adore. C'est une brute. C'est incroyable. Camille Estefan veut l'emmener contre Deontay Wilder. Mark Ramsey dit, attends un peu, là, on se calme un peu le pompon. Mamoudov a besoin d'encore quelques combats. Il y a 19 rounds en tout et partout. Est-ce que tu penses que Mamoudov va être tout près d'un combat de championnat du monde à la fin 2020? Ben, c'est certain que là, il va falloir qu'il monte un peu la qualité de ses adversaires, là, comme Peters. On a bien vu Samuel Peters, qui était à la fin de carrière et puis qui n'a pas été de grand danger. À date, Makhmoudov est beaucoup trop fort, mais il est trop fort sur papier. Donc, sur papier, il est trop fort, il arrive sur le ring, il est trop fort. Mais là, éventuellement, là, c'est des lots, là, la différence, c'est quand il arrive dans le top 10, le top 10 mondial, là, des robots comme Makhmoudov, là, il y en a un maudit paquet, là. Tu sais, c'est tellement difficile de se rendre là que là, là, t'arrives avec la crème de la crème. Et en plus, t'as déjà nous, là, qui montent, là, un peu partout mondialement. On a juste à parler à Philippe Starkovic, le Croate, qui a la même fiche à peu près que Makhmoudov, Ivan Dechko, le géant de Sibirinov, qui avait battu King aux Olympiques. C'est tous des gars, là, qui prennent la même fiche que Makhmoudov, puis ils s'en vont tous à la même place. Donc, là, t'en as en haut qui risque de se faire sortir du top 10 mondial. Mais là, Makhmoudov, à travers de ça, il faut qu'il se trouve un trou, lui. Faut qu'il soit capable de faire sa place. Il a ce qu'il faut. Il a travaillé fort en boxe olympique. Il a pris dans la ligue amateur qui est professionnelle à un moment donné là, de l'AIBA, là, la ligue professionnelle de l'AIBA, semi-professionnelle. T'sais, il a fait ce qu'il fallait, puis il est bien encadré par Mac Ramsey. C'est un géant. Il est fort physiquement. Et là, on va le savoir vraiment quand il va arriver dans la Ligue majeure. Puis là, il s'approche des Ligues majeures. Parce que là, à un moment donné, si tu veux passer dans le top 15, dans le top 10 mondial, mais là, tu es obligé d'affronter ce genre de gars-là qui t'attend avec une brique et un fanal. Et là, ça va devenir très intéressant de voir s'il va être capable de se positionner là et éventuellement être appelé pour un combat de championnat du monde. Tu sais, là, c'est sûr que là, d'avoir dire je serais intéressé contre Wilder, 20 millions, mais tu sais, dans le fond, Wilder, il n'a rien à gagner. Wilder? Ben non, mais Wilder, là, son dernier. Les gars, là, ils sont ailleurs avec les gros réseaux de télé, super payants, et puis il faut qu'ils vendent. Si, tu sais, t'es payé selon le danger. Bon, là, dans le moment, Makhmoudov, là, il est preneur au livre, il ne créera pas ça, là, parce qu'il a battu par cent. Tu sais, il n'a pas battu rien pour faire en sorte de claquer des dents. Ben, on ne sait pas qu'il n'arrivera pas, mais là, dans le moment, c'est pas mieux. Puis Mark Ramsey le sait aussi, là, à tous les niveaux. Mais eux autres, là, ils se battent, là. Regarde, on n'a qu'à penser, là, Joshua contre Wiz, là. Joshua était payé entre 60 et 80 millions. Ils ne savent pas trop, là. Ils n'ont pas fini de compter. Puis Wiz, entre 9 et 15 millions. Lui aussi, ils n'ont pas fini de compter. Ouais. Donc, tu sais, à ce niveau-là, qu'un gars cogne, puis si je vais te donner 20 millions, tu sais, les gars sont un peu sourds, parce que c'est eux qui contrôlent le milieu des affaires à ce niveau-là. Ouais. Donc, éventuellement, on peut le souhaiter. Alors, on serait tellement content d'amener ça à Montréal, on va virer à la ville à l'envers. Mais d'un autre côté, il ne faut pas rêver en couleur non plus. Là. On fait affaire à des grosses pointures à ce niveau-là, à tous les niveaux. Là. C'est effectivement. Lexune Mathieu, écoute, c'est intriguant ce gars-là. Il est vraiment. Écoute, j'écoute l'émission 91.9 de boxe, puis on le voit quasiment comme le Sidney Crosby de la boxe. Est-ce que c'est exagéré un peu? Ben, tu sais, il y en a eu beaucoup de Sidney Crosby qui ont parti. Tu te rappelles, on dirait que ça devient comme un automatisme. Mais le talent est là. Ben, Mathieu, là, il a pas sorti de là. Le talent est là. Et à son dernier combat, ben, encore là, impressionné, là, on le regardait aller, gaucher, droitier, et il y avait un adversaire qui l'essayait, là. Il y avait un adversaire qui va l'avoir le jeune, va l'avoir à long, un vétéran. Mais malgré tout ça, Mathieu, là, il s'est super bien défendu, puis s'en est débarrassé. Donc, là, reste à savoir encore là, c'est un boxeur qui monte. Pas beaucoup d'expérience chez les amateurs. T'as le championnat du monde junior, mais, tu sais, c'est limité. Donc, c'est le danger, là, avec ce genre de boxeur-là. C'est quand la misère arrive chez les professionnels, ben, tu sais pas trop quoi faire avec. Quand tu as une carrière amateur solide, tu as connu toutes les situations, tu t'es fait brosser la cage, tu t'es viré de bord, tu as trouvé des solutions. Là, ça va être de savoir quand la misère va arriver, qu'est-ce qu'il va être capable de faire avec. Mais là, dans le moment, il est trop fort pour ses adversaires qu'il y a devant lui, à cause de son talent, boxeur gaucher, droitier, ambidextre, c'est super spectaculaire. Le talent est là, il faut juste être patient puis voir si en bout de ligne, ça va livrer la marchandise. Et Marie-Ève Diquet, ben on parle de combat de championnat du monde unifié en mars au Madison Square Garden qui sera autour du 8 de mars. Est-ce que c'est vrai? Oui, on parle de Raquel Miller qu'on a vu remporter le titre. Anna Gabriel s'était blessée et elle a remporté le titre intérimaire dernier programme qu'on a à Montréal en sous-carte de Marie-Ève Diquet. Ça pourrait être intéressant parce que Raquel Miller, c'est une fille qui s'est battue deux fois contre Clarissa Shields puis qui a tenu son bout là, sans nécessairement gagner des rounds. Mais ça sera un bon test pour Maddie Elsker parce qu'elle avait fait un bon combat à Québec et en tout cas, c'est certain que là, dans ce combat-là, il y aura beaucoup d'action. Si les gens ils ont été déçus contre Suarez, il ne sera pas contre Raquel Meller. OK. Donc, Bernard, merci beaucoup encore une fois pour ta collaboration, encore une fois pour une 11e année. ça passe vite pareil. Au moment où le podcast va être fait, tu vas être en Colombie. Donc, je te souhaite beaucoup de soleil, beaucoup de repos. Puis, on va se reparler en 2020, évidemment. Il y a le combat de Jean-Pascal, Butler et ainsi de suite. Donc, on va s'en reparler bientôt. Ben moi, là, je te souhaite l'année, la plus belle année de ta vie, tout comme tes auditeurs. Ça me fait plaisir de collaborer avec vous autres. Puis on se revoit bientôt, tout le monde. Bernard Barry, notre collaborateur de boxe.